Au lieu de sortir de carrière à outrance, c'est les boys, c'est pas fait pour les idiots. Mais pour nourrir plus tôt, on est des gros. Dans ton ignorance, c'est pas plutôt la connaissance. Au lieu de sortir de carrière à outrance, c'est les boys, c'est pas fait pour les idiots. Mais pour nourrir plus tôt, on est des gros. Et tout avant, fallait au lieu de raconter ces conneries là. Si tu savais un peu tout ce qui est écrit, tu arrêterais peut-être un peu de te comporter comme ça. Car la connaissance, vois-tu une science. Un piercing dans le nez et le signe d'une femme mariée. Et non, vois-tu bien sûr le phénomène de la société. Le voile pour la femme et la protection de l'âme. Et non, bien sûr une homme de l'islam. Dans ton ignorance, ça pue pour la connaissance. Au lieu de sortir le curry à l'outrance. Les boys, c'est pas fait pour les idiots. Mais pour nous, bien plutôt pour les frigos. Au lieu de sortir les conneries à outrance, les voies étaient passées pour les idiots. Mais pour nos rires plutôt qu'on est frigos. Tu veux dire que Dieu t'écoute pas, mais qu'il le respecte depuis aujourd'hui là. Peut-être que si on l'avait un peu respecté, il aurait évité aujourd'hui tant d'atrocités. Toi qui bouge du cochon et qui trouve ta bon. L'exemple du les écrits ne s'est pas fait pour les cons. Alors c'est simple de jouer le bouffon. Il est temps de penser à la rédemption. C'est pas fait pour les idiots, mais pour nous rire plutôt qu'on est gros. Dans ton ignorance, c'est plutôt la connaissance. Au lieu de sortir des conneries à outrance, c'est les boîtes, c'est pas fait pour les idiots, mais pour nous rire plutôt qu'on est gros. Je ne viens pas te parler des lois de la pureté, ouais, voyez, tu vis en rétro-réalité. Alors il serait temps peut-être un peu de méditer si tu veux en fait te faire pardonner. Les boys, car moi te dis c'est la vérité. Car les lois ici on les a imposées depuis longtemps, oui, même dans le passé. Mais tu peux dire que tu les as respectées. Sûrement pas ceux qui sont sentis aujourd'hui nous dirigent. Sûrement pas ceux qui sont sentis aujourd'hui nous dirigent. Trop vanité, ils ne peuvent te l'avouer. Alors je ne suis pas comme tous et ça ne butait. Instruis-toi, oui, des aînés. Ils t'enseigneront peut-être le passé. Cesse de buter, mais tu vivras mieux au jour en communauté. Sors ton ignorance, ça fait pour la connaissance. Sors ton ignorance, ça fait pour la connaissance. Sors ton ignorance, ça fait pour la connaissance. Sors ton ignorance, ça fait pour la connaissance. Au lieu de sortir des conneries à outrance, les boîtes c'est pas fait pour les idiots, mais pour nos rires plutôt qu'on est des gros. Dans ton ignorance, ça fait pour la connaissance. Au lieu de sortir des conneries à outrance, les boîtes c'est pas fait pour les idiots, mais pour nos rires plutôt qu'on est des gros.